développe un contenu des idées formidable. Ça voudrait dire qu'il maîtrise une technique encore inconnue. C'est pas possible. Il a cette capacité. Ça lui donne des possibilités infinies, infinies de création. Au commencement, une larve là. Dans mon constat primaire, je rentre dehors. C'est les têtes hargneux qui se sert du rap pour cracher son venin. Avec ma meute, mon crew, les crocs, ouais, on a faim. Alors on suit la tendance, on défend le territoire, on représente. On aboie, unique règle, tenir le crachoir, quitte à répéter bêtement les mêmes saloneries que les salles qui se trouvent devant. Conditionné comme les autres par l'air du temps. Idéologie, merdique, rap, merdique, logique, merdique. Cette chrysalide camisole de pensée pour mon développement. Il me fallait la percer, mais comment? D'abord une rencontre, ensuite un poème, un film, puis un livre m'ont fait apprendre conscience. Accroissement de connexion, pour moi ce fut ça et pour toi peut-être ma chanson. Aujourd'hui je bats des ailes pour m'élever. Je pousse à comprendre les choses sur chaque concret, sur scène, sur disque, partout dans mes sillons. Révolution que de passer de larve à papillon. Papillon, papillon, papillon, papillon. Papillon, c'est toi? Ouais.